Il y avait un jour, dans la vitrine, une paire de godasses, achetées, vendues. Fier que j'étais devant la glace, avec mes godasses, achetées, vendues. J'étais partout, marcher ou courir, mes pauvres godasses, achetées, vendues. Un soir trop sous, deux mecs louches, superbes, tes godasses, volées, perdues.